Contrôlez vos connaissances avec un petit test. Ce test, c'est facile? Oui, c'est assez facile. Alors, ce n'est pas difficile? C'est assez difficile, mais ce n'est pas trop difficile. Ah, merci beaucoup. Continuez. If you hear an English word or phrase, give the French equivalent. And if you hear a French word or phrase, give the English equivalent. And then after you hear the correct answer... Répétez-le. Yes, repeat it. Here's the first one. Euros. Euro. 13. 13. La prononciation. Pronunciation. 30. 30. 11. 11. Ça fait. That makes. 23. 23. 12. 12.